Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, Instruction familière sur le Magnificat, instruction 4e, les caractères de la vraie humilité chrétienne. Il est bien difficile aux faibles mortels de se faire une idée juste des choses, et par suite de se garantir des illusions qui leur montrent un objet à la place d'un autre. Nous entendons prononcer des mots qui en soi représentent des objets tout à fait dignes de notre estime, mais à ces mots nous attachons bien souvent une idée étrangère qui met dans l'esprit tout autre chose que ce qui était indiqué par tel ou tel mot. Ce nom d'humilité, quoique inconnu à la folie des gentils, a été bien souvent répété à l'oreille des chrétiens. Ils savent combien la pratique de cette vertu a été exaltée par le divin Rédempteur. L'humilité est donc une chose que nous estimons et que nous affectionnons à juste titre. Mais que signifie ce mot d'humilité? C'est là une occasion de fréquente méprise. Nous nous figurons que l'humilité n'est tout simplement qu'une petitesse d'esprit, qui appréhende toujours, qui se défie de tout, et n'oserait jamais hasarder rien de grand. Je ne suis qu'un ver de terre, or, un ver n'est bon à rien. Je suis donc incapable de quoi que ce soit, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne puis rien, je n'ose rien. Tel est le sentiment auquel nous donnons trop souvent le beau nom d'humilité, mais qui n'est au fond qu'une vraie pusillanimité, une bassesse de caractère, c'est plutôt un vice qu'une vertu. La véritable humilité chrétienne est bien différente de cette vile et basse lâcheté, elle est courageuse, elle est intrépide, elle est, pour ainsi dire, toute puissante, puisque s'appuyant sur le bras du Tout-Puissant, il n'est rien qui lui paraisse difficile ou impossible. La très sainte Vierge, ayant surpassé toutes les autres créatures dans la pratique de l'humilité chrétienne, est aussi plus en état qu'aucune autre de nous en faire comprendre les caractères essentiels. Prêtons l'oreille aux paroles de son admirable cantique, considérons ce qu'elle nous dit à ce sujet, et elle nous apprendra en quoi consiste cette belle vertu. Le Seigneur, 17 Vierges Saintes, a regardé l'humilité de sa servante. On pourrait demander ici ce qu'entendait la très sainte Vierge par ce mot d'humilité. Voulait-elle signifier la vertu désignée sous ce nom? S'il en est ainsi, dira quelqu'un, il semble que de pareilles expressions ne soient pas conformes à la vertu elle-même. L'humilité est telle que plus on la possède, moins on croit la posséder. Se reconnaître pour une personne humble ne semble point être de l'humilité, mais bien de l'orgueil et de l'amour-propre. Aussi plusieurs interprètes répondent-ils qu'en cet endroit la Sainte Vierge a voulu exprimer par le mot d'humilité sa bassesse, son indignité, sa misère, ce qui correspond littéralement au mot grec, tapenotita. Note. Voyez Cornelius à Lapide à cet égard. Tandis que j'écrivais ceci à Aston Hall, je n'avais aucun commentateur, ou pour mieux dire j'étais tout à fait dépourvu de livres, ces compositions sont donc purement et simplement un fruit de mémoire. On les trouvera par conséquent dépouillées de tous les ornements dont elles puissent se revêtir aux dépens des auteurs. Mais c'est un bien. Elles donneront la mesure de la pauvreté et du dénuement spirituel de celui qui les a écrites. Fin de la note. Le mot latin humilitas est ambigu dans le style de l'écriture sainte, il signifie tantôt la vertu d'humilité, tantôt la bassesse ou l'indignité d'un individu, ainsi qu'il serait facile de le démontrer par une foule d'exemples. La Sainte Vierge, d'après ce sentiment, ne voulut donc dire autre chose sinon que le Seigneur regarda sa bassesse et son abjection, en tant qu'elle n'était qu'une créature tirée du néant, qu'elle n'était que néant en comparaison de l'infinie majesté du Très-Haut. Oui, mon frère, Dieu est très élevé, et il regarde néanmoins avec bienveillance les choses basses et viles, tandis qu'il dédaigne les cœurs altiers et superbes, psaume 137, 6. Soyons humbles, soyons vils à nos propres yeux si nous voulons attirer les regards de Dieu. Je ne prétends point m'opposer à cette explication, mais pourtant il ne me paraît pas aussi invraisemblable qu'il peut le paraître à d'autres, que la Sainte Vierge ait voulu signifier ici la vertu d'humilité proprement dite, laquelle attira sur elle les regards du Seigneur. Mais à l'instant va m'objecter de nouveau qu'il pourrait bien y avoir de l'orgueil à se croire humble soi-même. Je réponds que cela ne pouvait avoir lieu dans le cas dont il s'agit. Premièrement, la Sainte Vierge en cette circonstance ne parlait pas de son propre mouvement, mais par l'impulsion de l'Esprit Saint, et nous pouvons même dire qu'elle ne faisait que prêter sa langue à la manifestation des secrets divins. Elle ne pouvait donc y trouver aucun sujet de vaine gloire, pas plus que n'en a une plume qui retrace les perfections divines, guidée par la main d'un savant docteur. Or si l'Esprit de Dieu a voulu nous apprendre par la bouche même de Marie combien elle était humble, il était bien le maître d'en agir de la sorte, et il pouvait d'ailleurs la prémunir contre tous les sentiments d'orgueil qui auraient pu s'en suivre. Ainsi Job a pu dire, sans la moindre présomption, qu'il avait été l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, qu'il avait reçu en naissant la miséricorde en partage et qu'elle s'était accrue en lui avec les années, Job 29, 15, et 31, 18. Ainsi Ézéchias a pu dire aussi, qu'il avait toujours marché en la présence du Seigneur, et qu'il avait fait constamment ce qu'il avait su être agréable à sa divine majesté. Ainsi Moïse a pu écrire, si toutefois ces paroles sont de lui, qu'il était de tous les hommes le plus doux qui fut sur la terre, Nombre 12, 3. Ces saints personnages étaient des organes qui ne rendaient d'autres sons que ceux que leur imprimait l'Esprit Saint. Nous pouvons raisonner de la même manière touchant la très sainte Vierge, le Saint-Esprit voulut nous apprendre par sa bouche qu'elle était humble. Et qu'à cause de cela elle fut que le Seigneur abaissa sur elle un regard d'amour et de complaisance. En outre, quand même on supposerait que la très sainte Vierge eût parlé de son propre mouvement, et d'une manière absolument conforme à son intime persuasion, car enfin l'inspiration divine perfectionne bien, mais ne détruit pas la conviction particulière de celui qui reçoit ces sortes d'inspiration, je dirais encore qu'il n'y avait en cela aucun danger pour la très sainte Vierge de se laisser aller à l'orgueil. Son âme était si solidement affermie en Dieu, de qui seule elle recherchait la gloire, qu'elle n'était capable pour rien au monde de se détacher du cher objet de toutes ses affections. Un vaisseau, tant qu'il a à lutter contre les flots, a besoin d'un lest pour se soutenir en équilibre et n'être point submergé, mais supposez-le déjà arrivé au port et même tiré hors de l'eau. Vous comprenez fort bien que le lest lui devient inutile et superflu, il ne repose plus sur les vagues mobiles, mais sur un terrain ferme où il n'a plus à craindre la violence des flots. Pour nous qui nous trouvons encore en pleine mer, exposés au choc terrible des passions, nous courons risque à chaque instant d'être engloutis, et par conséquent nous avons besoin d'un puissant contrepoids, pour nous tenir bien fermes et n'être point aussi facilement ballottés et coulés à fond. Mais quant à ces âmes solidement affermies en Dieu, il ne leur faut plus même de gouvernail. Aimant Dieu par-dessus toutes choses, elles n'ont garde de vouloir lui ravir la gloire qui n'est due qu'à lui seul. Elles sont tellement transportées du désir de voir glorifier ses infinies perfections, que tout ce qu'elles croient pouvoir conduire à cette fin, elles l'embrassent sans hésiter, si en manifestant quelques faveurs qu'elles ont reçues de Dieu, elles peuvent atteindre ce but, elles n'appréhendent pas de la manifester et de l'étaler au grand jour, afin que toute la gloire en retourne à Dieu, en pareil cas elles ne rougissent pas même de se proposer pour modèle, pour peu qu'elles croient que cette conduite soit propre à engager le prochain à marcher dans la voie de la perfection chrétienne. Ainsi saint Paul, sans le plus léger sentiment de vaine gloire, a pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ, soyez semblables à moi, puisque je suis semblable à vous. » 1 Corinthiens 4, 16 et Galates 4, 12. Ces grandes âmes qui ne savent ambitionner que la gloire de Dieu, ne craignent point les mouvements de la vanité et de la présomption si naturelles à l'homme. La Sainte Vierge a donc pu savoir qu'elle était humble sans en concevoir de la vanité, elle a pu le publier sans déroger en rien à cette belle vertu qui la rendit si agréable à Dieu. La vraie humilité ne nous rend pas aveugles, elle ne nous fait pas fermer les yeux sur les faveurs dont Dieu nous comble, au contraire, elle nous les fait connaître, afin que nous puissions en rendre au Seigneur toute la gloire qui lui en revient à juste titre. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, disait l'apôtre, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a faits. 1 Corinthiens 2, 12. La fidélité à reconnaître les bienfaits de Dieu et à lui en rapporter la gloire, n'est pas seulement conforme à l'humilité, elle en constitue en outre, pour ainsi parler, l'âme et l'esprit. Et voilà qu'à cause de cela toutes les générations me proclameront bienheureuse. Ainsi s'exprime la très sainte Vierge, et ses paroles semblent présenter une nouvelle difficulté. Il semble que la Sainte Vierge prenne plaisir aux louanges qu'elle va recevoir de toutes les générations futures, tandis qu'une humilité véritable doit nous faire désirer de demeurer cachés aux yeux du monde, et de n'être connue que de Dieu seul. Mais cette ombre de difficulté provient uniquement de ce que nous n'avons de la vraie humilité qu'une idée trop bornée et trop imparfaite. Après ce qui a été dit antérieurement sur ce sujet, nous devons encore remarquer ici qu'on peut prendre plaisir aux louanges, ou bien en tant qu'elles se terminent à nous-mêmes, ou bien en tant qu'elles se rapportent à Dieu. Dans le premier cas, il est bien vrai que cette complaisance est en opposition directe avec l'humilité véritable, et c'est dans ce sens que nous devons entendre les paroles du divin Rédempteur, quand il dit, Matthieu 6, 1, prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes, pour en être considérés. Dans le second cas, il n'a rien qui blesse la véritable humilité, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre ce que dit encore Jésus-Christ, que, votre lumière luise devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans le ciel, Matthieu 5, 16. Or, c'est absolument là le sens des paroles de la très sainte Vierge. Elle prend plaisir aux louanges que lui rendront toutes les générations, parce qu'elle sait bien que ces louanges ne se terminent pas à elle-même, mais à Dieu. Comme tout ce qu'il y a en elle qui soit digne de louange tire son origine de Dieu, c'est sur Dieu seul que rejaillissent toutes les louanges qu'on lui donne. Que nos frères séparés ne trouvent donc pas mauvais que nous cherchions à être mis au nombre de ces générations futures qui rendront gloire à Marie, ou, pour parler plus juste, qui loueront Dieu dans la plus sublime d'entre les pures créatures. Pour moi, je compatis de tout mon cœur à l'infortune de ceux qui ne veulent point faire part de ces générations fortunées, lesquels, ainsi que la Sainte Vierge elle-même l'a prédit, doivent à jamais la proclamer bienheureuse. Le temps est trop court pour qu'il me soit permis de vous faire voir avec quelle exactitude se sont vérifiées les paroles de Marie dans tous les âges, dans toutes les générations, depuis l'établissement de l'Église jusqu'à ce jour, et, je n'en doute point, elles se vérifieront encore à l'avenir. Je pourrais ici dresser une liste de tous les hommes illustres, dont les ouvrages nous sont parvenus, depuis Saint-Irénée jusqu'à Saint-Alphonse de Ligorie, et faire voir que tous se sont accordés, et je dirais presque ont rivalisé d'ardeur, pour payer à Marie le tribut d'éloge, le plus magnifique. Je m'abstiens de le faire par crainte de dépasser les bornes que je me suis tracées, je désire seulement être du nombre des heureux fidèles qui en tout temps ont loué, qui louent encore, qui loueront et exalteront à jamais la glorieuse Vierge, Mère de Dieu. Markham d'Anarchivorg 2023, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.